Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions ce matin. Et nous voulons encore écouter ta parole. Seigneur, ta parole qui est puissante pour nous changer, pour nous bénir et pour nous guérir. Ce matin, que cette parole vienne pour accomplir ce dessein que tu as préparé pour chaque personne ici. Il y a un dessein spécial pour chaque personne. Et Seigneur, que chaque personne reçoit ce dessein spécial qui est destiné pour lui ce matin. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer avec notre sujet de dîme. Alléluia. Qui sont ceux qui sont bénis déjà avec les messages de dîme? Yeah. Alléluia. Et donc, le livre est toujours là. Pourquoi les chrétiens qui ne paient pas la dîme deviennent pauvres? Et comment les chrétiens qui paient la dîme peuvent devenir riches? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Achetez le livre, lisez à la maison. Et j'ai recommandé ce livre pour ceux qui ne croient pas à la dîme, surtout. Est-ce que vous comprenez? Surtout ceux qui ne croient pas à la dîme et les offrandes. Ceux qui ont déjà critiqué. Je pense que nous tous, on a une fois critiqué la dîme. On a une fois critiqué la dîme. Alléluia. Parce que moi, lorsque j'ai commencé, je ne payais pas la dîme. Parce que je disais que j'étais pauvre. Alléluia. Donc nous tous, on est coupables. Mais par la miséricorde de Dieu, tu seras béni. Alléluia. Et donc, achète le livre. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de révélations, beaucoup de versets qui parlent de la dîme. Et beaucoup de sujets qu'on a essayé d'écrire ici. Hein? L'évêque a dit que c'est le seul livre qu'il a eu un rêve, une vision. C'est le seul livre. Donc, parmi tous ces livres, c'est le seul livre qu'il a eu une vision. Le Seigneur lui a donné une vision d'écrire un livre sur la dîme. Donc, parmi tous les livres de l'évêque, c'est le seul livre. Parce qu'il disait que non, ce n'est pas un sujet qui peut... il ne voulait pas écrire un livre sur la dîme. Il ne voulait pas. Il dit que le jour-là, il a voyagé. Le jour-là, il était en congé ou bien en vacances avec sa famille. Et une nuit, le Seigneur lui a donné la vision d'écrire un livre sur la dîme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le seul livre de l'évêque qu'il a eu une vision. Et le Seigneur spécifiquement a écrit un livre sur la dîme. Alléluia. Et lorsque tu lis, toi-même, tu vas savoir que ça, c'est vraiment, ça vient de Dieu pour nous aider. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Vous avez faim? Alléluia. Le jeudi passé, on a eu un temps puissant ici. La soirée des stars, des belles celles. Alléluia. Et puis le vendredi nuit, on a eu une veillée puissante ici. Ceux qui n'étaient pas là, oh, je disais, Seigneur, j'étais triste pour vous. Parce qu'on a vraiment prié. Alléluia. Et le Seigneur a déjà commencé à faire des miracles dans nos vies. Alléluia. Et à la fin du culte, on va prendre le Galates 6. Alléluia. L'évêque est notre enseignant. C'est lui qui nous enseigne. La Bible dit, on a fait part de nos biens à celui qui nous enseigne. Alléluia. Yeah. Et donc, aujourd'hui, c'est Galates 6 pour reconnaître le don que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc, à la fin, on va prendre la Galates 6. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Galates 6 et vous serez bénis. Alléluia. Ce matin, on va voir le mystère de la dîme. La dîme est mystérieuse. Alléluia. La dîme est mystérieuse. La dîme, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de sagesse, la fois passée, le vendredi, on a prié, on a dit que la sagesse, on a besoin de sagesse dans beaucoup de départements dans nos vies, beaucoup d'aspects. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse. Alléluia. La sagesse. Par exemple, si tu n'as pas la sagesse de savoir comment apprendre, tu vas chaque fois échouer. Parce qu'il y a une sagesse d'études, comment apprendre à passer les examens. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Il y a une sagesse d'être une bonne femme, ou bien un bon mari, un père de famille. Il y a une sagesse. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont des mères. Ou bien, ce n'est pas toutes les femmes qui sont des mères. Il y a certaines femmes qui ne sont pas des mères. Alléluia, ils n'ont pas la sagesse d'être mère ou bien d'être père. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de femmes qui se sont plaintes parce que leurs maris n'ont pas de sagesse. On a dit que tu ne peux pas divorcer ton mari. Parce que c'est pour toute la vie, c'est toi qui as choisi le mari. C'est pourquoi lorsque tu viens au pasteur, dis que, pasteur, j'ai identifié une fille là. On va dire, ok, si tu penses que c'est bon pour toi, continue. Le pasteur ne va pas décider pour toi. Parce que c'est toi qui vas vivre avec la personne. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur peut seulement te guider. Mais la décision finale, c'est toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a la sagesse d'être la sagesse pour le mariage, la sagesse pour des relations. Il y a une sagesse. La plupart des temps, ce que nous connaissons concernant les relations, ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est la sagesse du monde. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de sagesse. Donc, l'une de ces sagesses divines que nous avons, c'est la sagesse de payer la dîme. C'est une sagesse. Et puis, c'est mystérieuse. Alléluia. C'est mystérieuse parce que si j'ai 20 000 francs CFA, et on me dit de payer la dîme sur 20 000 francs CFA, 10% de 20 000, c'est combien? 2 000. Alléluia. Donc, si j'enlève 2 000 de 20 000, il me reste 18 000. C'est comme je deviens pauvre. Un peu pauvre. J'ai réduit ma richesse. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit dans Malachie? Il dit qu'il va vous donner la bénédiction en abondance. C'est ça, non? Comment est-ce que j'enlève 2 000 de 20 000, il me reste 18 000 et tu me dis que tu me bénis en abondance? C'est mystérieux. Ça n'a pas de sens. Ou bien, ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Et donc, on n'est pas venu ici pour te prêcher un message qui a de sens. Alléluia. On n'a pas de... Beaucoup de choses concernant le Seigneur et concernant Dieu, concernant les choses spirituelles, n'ont pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le juste vivra par la foi. C'est pas par la logique. On va analyser. Lorsque tu veux payer l'offrande ou bien la dîme, tu commences à analyser, tu ne vas pas payer. Lorsque tu commences à faire des calculs, parfois il ne faut pas payer. Parce que déjà, ça ne vient pas de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Analyse, calcul. Non. Avec Dieu, on ne fait pas de calcul. Par exemple, lorsqu'on prie en langue. On prie en langue, ça n'a pas de sens. Ou bien, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que tu es en train de parler une langue que tout le monde... toi-même, tu ne comprends pas, personne ne comprend. Et puis, c'est comme tu es fou. Ça n'a pas de sens. Donc, les choses spirituelles, on doit seulement croire. Si tu crois, tu sais qu'il y a un Dieu qui existe et qui nous a donné un message qui est dans la Bible. Il faut juste croire et puis faire, obéir. Est-ce que vous comprenez? Sans ça, tu ne vas pas être béni. Tu ne vas pas être béni parce que ça, beaucoup de choses n'ont pas de sens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est la sagesse de Dieu de payer la dîme, de donner 10%. Alléluia! De donner 10%. Et lorsque la semaine passée, on a appris que lorsque tu donnes, l'église est bénie, on va payer les pasteurs, on va prendre soin des pauvres, des orphelins, on va construire les églises. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais la personne qui est bénie, la dernière personne qui est bénie, c'est toi qui paies la dîme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu crois? C'est difficile, mais il faut croire. Ou bien, parfois c'est difficile, mais il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. C'est mystérieuse. Alléluia. Et la Bible dit que c'est une sagesse qui donne la gloire, une certaine beauté dans ta vie. Tu es glorieux. Comment? Comment est-ce que tu es glorieux? Tu n'es pas en dette. Parce que beaucoup de personnes sont en dette. Sont endettées. Il y a beaucoup de personnes qui marchent en ville, sont dans les dettes. Ils ne dorment pas en paix. Alléluia. Ils n'ont pas la paix. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de personnes n'ont pas la paix. Est-ce que vous êtes là? Beaucoup de personnes endettées, beaucoup de personnes ont acheté les choses en crédit. C'est crédité. Le sac que la personne est en train de pour aller, c'est crédité. Les chaussures, c'est crédité. C'est pourquoi les chaussures te servent là. Tu as la chargeur au pied parce que c'est un crédit. Donc tu vois, c'est, il y a une beauté, une certaine gloire. Que tu, tout ce que tu as, c'est pas la dette. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas endetté, c'est pas au crédit. Est-ce que vous comprenez? Et dans Dieu, la sagesse de Dieu te dit que n'achète pas les choses au crédit ou en crédit. N'emprunte pas, ne prends pas d'argent, hein, à la banque ou bien chez quelqu'un. Lorsque tu empruntes de l'argent, tu deviens esclave à la personne à qui tu as emprunté l'argent. Bien, tu as prêté ou bien emprunté. Emprunté. Yeah. Tu es esclave. Parce que l'argent que tu vas trouver dans deux ou bien une semaine, tu vas venir payer la personne. Tu es devenu esclave pour la personne. Tu es en train de travailler pour la personne. Alléluia. Et comme jeune, la sagesse de Dieu te dit que, s'il te plaît, n'emprunte pas de l'argent. Parce que les jeunes, lorsqu'ils commencent à travailler, un peu de salaire, ils veulent faire le show. Ils veulent impressionner les gens. Donc, ils vont aller emprunter de l'argent pour acheter la voiture. Ils vont emprunter de l'argent pour faire des choses. Et puis tu vas voir que ta vie a commencé une mauvaise voie. Parce que chaque fois, tu es en train de payer. Et parce que tu as commencé avec ça, tu ne peux pas arrêter. Yeah. Tu ne peux pas arrêter. C'est un piège. La pièce vient le piège. Yeah. C'est un piège. C'est un piège. Hein? C'est un piège. Les banques, maintenant, ils disent qu'un jour, lorsque tu fais une demande de quoi? De prêt, tu reçois le prêt dans un jour. C'est un piège. C'est piégé. Lorsque tu commences, c'est fini. C'est fini. Et à la fin, tu vas payer le double le montant que tu as prêté. Tu as emprunté. Donc, comme jeune, s'il te plaît, lorsque tu finis l'école, commence à travailler. N'emprunte pas de l'argent. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse du monde dit, oh, va emprunter, c'est facile. Tu peux payer dans 2 ans. Tu peux payer dans 4 ans. Tu vas avoir ça dans 24 ans. Et puis, c'est attirant. C'est attirant. Et comme jeune, le monde aujourd'hui, les jeunes sont en train de faire des choses pour impressionner, des choses qui ne sont pas réelles, sans leur montrer. Et puis toi aussi, tu veux suivre, s'il te plaît. Il ne faut pas détruire ta vie. Dès maintenant, tu es jeune. Alléluia. Tu as besoin de la sagesse aujourd'hui, pas dans 60 ans. Tu dis que oh, maintenant, avec toutes les expériences mauvaises que j'ai eues, maintenant je suis sage à l'âge de 70 ans. C'est inutile pour toi. À l'âge de 70 ans, c'est inutile. Tu n'as pas besoin de cette sagesse. Tu as besoin de ça maintenant. Alléluia. C'est pourquoi on dit que c'est mystérieux. C'est la sagesse de Dieu et puis c'est mystérieux. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. OK. Donc, ce matin, on veut continuer. Alléluia. Et il ne faut pas oublier, la semaine passée aussi, on a parlé du fait que la richesse. Ok, je vais lire ce verset. Ésaïe 45, verset 3. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Ésaïe 45, verset 3. Notez les versets. La Bible dit que ceux qui sont nobles et sont sages notent les versets et vont à la maison vérifier si le pasteur n'a pas menti. Va aller vérifier pour que je dis que tu es sage. Tu vas aller à la maison puis vérifier. Ce que le pasteur a dit, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Bien, c'est lui-même qui veut nous tromper ici. Alléluia. Yeah. Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle pour ton nom, par ton nom, et le Dieu d'Israël. Alléluia. Yeah. Yeah. Yeah. Les richesses sont cachées. Même ton argent. Tu as caché l'argent, non? Tu caches ton argent. Ou bien, yeah, tu caches. Les richesses sont cachées. C'est pas facile à avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est pas facile à avoir. De l'argent, de la richesse, des trésors. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est caché. Amen. C'est caché. Les gens cachent leur argent. Donc la richesse est cachée. Cela veut dire que c'est pas facile pour avoir de la richesse. Si Dieu ne t'aide pas, mon frère, ma soeur, tu vas souffrir dans cette vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Pour trouver de l'argent. Beaucoup de personnes disent, oh, on va aller chercher de l'argent et puis on va revenir, on va donner à Dieu. Ils ne sont pas revenus. Depuis que j'ai commencé, ils sont toujours en train de chercher de l'argent. Il y a un gars ici, là, il dit, je fais business, je vais au Bénin, je vais au Togo, en Côte d'Ivoire, Burkina, je fais le business. Je dis, il n'y a pas de problème. Reviens. Viens servir le Seigneur. Je ne sais pas là où il est. Il dit, oh non, je vais faire, puis je vais amener l'argent. Surtout, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, non? On dit, oh non, Seigneur, je travaille dimanche, donc je vais aller travailler, puis je vais amener l'argent. On ne les voit plus. L'argent, ce n'est pas facile à trouver. Si Dieu ne t'aide pas. Et Dieu te montre un moyen mystérieux. Alléluia. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes là? Yeah. C'est mystérieux. Alléluia. Donc ce matin, on va voir pourquoi. Ok. Pourquoi? Hein? Certaines personnes paient la dîme, mais la dîme ne fonctionne pas pour eux. Pour elles. Yeah. Yeah. On va voir ça. Yeah. Les gens paient la dîme, mais la dîme ne fonctionne pas pour ces personnes. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que il faut savoir que qu'est-ce que Romains 8 verset 28 dit quoi? Romains 8 verset 28, on va lire ça. Romains 8 verset 28, il dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que vous avez vu? Yeah. Ceux qui sont appelés selon son dessein, toutes choses concourent. Tout ce qui, toi, que toute chose concourt pour le bien. Cela veut dire que pour que quelque chose réussisse, il y a beaucoup de choses qui concourent. On doit amener beaucoup de choses rassemblées pour que cela réussisse. Par exemple, lorsque tu fais la sauce, tu ne vas pas seulement prendre le sel parce que le sel fait partie de la sauce, donc on va manger le sel. Non. On doit amener le sel, on doit amener de l'eau, on doit amener tomate, on doit amener pépère. Piment, on doit amener quoi? Et puis on mélange tout. Il y a une manière de faire. Et puis ça devient comment? Ça devient comment? Bon. Allez, délicieux. Ou bien? Yeah. Dans toutes choses, il y a beaucoup de choses qui concourent. Donc pour la dîme, c'est la même chose. Pas dire, ok, tu mets la dîme et puis c'est fini. Non, il y a d'autres choses qu'on doit ajouter pour faire marcher la dîme. Alléluia. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Par exemple, lorsque tu lis 2 Pierre chapitre 1 verset 5. 2 Pierre qui dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses, 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Car toutes ces choses sont en vous. Et s'ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Yeah. Tu seras fructueux. Il ne va pas te laisser stérile. La stérilité, c'est la pauvreté, en fait. Yeah. Donc, tu dois mélanger sur la foi, la tempérance, la piété, l'amour fraternel, la foi, tout cela. Toi, tu dois être ensemble pour que tu sois fructueux. Alléluia. Donc, la même chose, la dîme. La dîme, la même chose. On doit amener beaucoup de choses. Alléluia. Et qu'est-ce donc? On va voir l'opposé, le contraire. Qu'est-ce qui nous empêche pour savoir qu'est-ce qu'on doit ajouter? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on va voir les choses qui nous empêchent. Ou bien empêchent la dîme de fonctionner. Yeah. La première chose, c'est parce que la dîme n'est pas la première chose que nous donnons. La première chose. Est-ce que vous comprenez? Non, ce n'est pas la première chose. Ce n'est pas la première chose. Lorsque tu reçois, tu essaies d'acheter tout, dépenser tout, et puis tu amènes le reste à Dieu. Yeah. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses. Lorsque tu reçois, la première des choses que tu prends, c'est la dîme. Alléluia. Ce n'est pas lorsque tu as fini de dépenser, maintenant tu prends la dîme et tu amènes à Dieu. Non. Non. Non. Qui est femme ici? Et tu es deuxième femme de quelqu'un. Ou bien troisième femme. Hein? Tu veux te marier. Est-ce qu'il y a les femmes dans la maison ici? Est-ce qu'il y a les femmes dans la maison ici? Je vous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être troisième femme d'un homme? Elle n'est pas venue. Yeah! Non. Non. Dieu aussi ne veut pas être deuxième, troisième. La dîme, non. Première. Première, la première chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Néhémie chapitre 12. Néhémie chapitre 12. Néhémie chapitre 12. Et si tu veux nous donner les versets, il faut nous donner. Verset 43. OK? Néhémie chapitre 12, verset 43. OK? On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances. Car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouissent, se réjouirent aussi. Et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Verset 44. Oh, mon frère. En ce jour-là, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes. Et on les chargea, ok, d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites, car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste. Alléluia. Les quoi? Les prémices. Les premiers. Première chose. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Recherchez premièrement. En grec, c'est proton. Proton. Premier, c'est proton. Premier, c'est proton. Lorsque tu ne fais pas quelque chose au premier, qui doit être quelque chose devait se faire premièrement et tu ne fais pas, ça perd de valeur. Ça perd de valeur. Tu risques de ne plus le faire. Parce que lorsque tu commences à dépenser, l'Ouest est arrivé. Tu n'as pas enlevé la dîme. Tu as dépensé, il y a ça qui vient, il y a ça qui vient, il y a ça qui vient. Tu vas réaliser que c'est fini. Et puis, c'est fini, tu n'as pas payé. C'est ce qui se passe bien. Parce qu'on n'enlève pas ça premièrement. Yeah. Yeah. Yeah. Alléluia. C'est la même manière, par exemple, lorsque tu n'es pas marié, puis tu commences à avoir des rapports sexuels. Le mariage vient avant les rapports sexuels. Mais tu commences avec les rapports sexuels. Il y a beaucoup de complications. Beaucoup de confusion qui arrive. Il y a beaucoup de choses. La première chose, peut-être que la relation ne marche même pas. On n'est plus marié. On arrête la relation. Parce qu'on a commencé avec quelque chose qui devait être deuxième chose. On n'a pas commencé avec le mariage. Peut-être la grossesse qui arrive. Complications. Et puis, avortement. Complications. Et puis, on enlève ce qui... Stérilité à la fin. Confusion totale. Et parfois, c'est la mort. Parce qu'on n'a pas commencé, on n'a pas mis ce qui doit être premier, le mariage. Vous comprenez, non? Yeah, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, il y a beaucoup de choses, par exemple, la même chose, tu peux avoir le sida. Yeah. Parce que si, avant de te marier, on va te dire, va faire l'examen à l'hôpital. On va voir si tu veux infecter la fille là ou bien le gars là. Lorsqu'on a les résultats là-bas, vous deux, on va voir, ok, est-ce que vous êtes prêts pour vous marier maintenant? Si on voit que, ok, sida ici, pas de sida ici. Maintenant, décidez entre vous. Nous, on ne va pas parler. C'est le docteur qui parle. Mais, yeah! Est-ce que vous comprenez? Yeah! Parce que Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. La sagesse de la médecine. Donc, tu ne dois pas ignorer la sagesse. Parce que la Bible dit Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines personnes qui parlent seulement. Oh, je prie, je vois le gars là, la fille là, c'est la fille là qui est ma femme. Oh, les bébés. Tu dois ouvrir tes yeux pour regarder à la fille là. Ok, maintenant, ok, on a fini depuis. On va aller à l'hôpital pour voir. Pour voir si. Yeah. Ce qui n'est pas fait premièrement, lorsque ce n'est pas fait, ça crée beaucoup de confusion, beaucoup de complications. Et ça perd de valeur. C'est la même chose avec la dîme. Est-ce que vous comprenez? Avec la dîme, lorsque tu ne paies pas la dîme, cette puissance qui fait ouvrir les écluses des cieux n'est plus là. Yeah. Parce que donne et les écluses seront ouvertes. Et il va te donner en abondance. Et il va empêcher ceux qui dévorent les finances. Vous connaissez ceux qui dévorent les finances? Vous ne savez pas. Maladie. Des choses qui arrivent juste comme ça. Juste comme ça. Et tu vas dépenser l'argent que tu ne veux pas donner là. Tu vas dépenser les 10%. Et puis tous les 90% vont finir. Pour des choses. Quelque chose va arriver. Tu vas dire, oh, il y a l'argent. L'argent, là, j'ai réservé pour quelque chose. Ok. Tu es obligé d'utiliser l'argent que tu ne veux pas payer. Ce sont ceux qui dévorent la dîme, les autres, tes finances. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, lorsque tu ne paies pas la dîme premièrement, tu risques de ne plus payer. Et ça enlève, ça empêche cette puissance d'ouvrir les écluses des cieux. Tu viens aux anglophones, il y a un autre nom qu'on n'appelle pas la dîme. First and best. Yeah. La dîme, on appelle à Kodesh first and best, les anglophones. Les premiers et les meilleurs fruits. First and best. Est-ce que vous comprenez? First and best. Les premiers et les meilleurs fruits. C'est ce qu'on appelle. Pour te dire que c'est la première chose qu'on doit faire lorsqu'on a le revenu. Alléluia. Est-ce que ça c'est une chose? Deuxième chose. Parce que ce n'est pas 10%. On amène 2%. 9,5%. On n'a même pas 10%. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là. On n'a même pas 10%. Alléluia. Et Dieu sait. Oh, les anges, ils connaissent le calcul. Ils vont calculer. Ils savent. Et tu vois que tu perds la puissance d'ouvrir les écluses des cieux. Et tu vas dire que, oh Dieu, ta parole n'est pas vraie. Beaucoup de gens payent, et puis ça ne marche pas. Donc ils disent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Bien vérifier, c'est toi. Soit c'est pas pris en premier lieu, ou bien c'est pas 10%. C'est 8%, 5%, 1%. Yeah. Alléluia. Yeah. Troisième chose qui fait que la dîme ne fonctionne pas. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent venir pour faire fonctionner la dîme. C'est quoi? Hein? Certaines personnes n'ont pas la patience. Yeah. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux 10, 36. On a besoin de la patience. Alléluia. Hébreux 10, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Waouh! Est-ce que vous avez vu? Yeah, la volonté de Dieu, c'est de payer la dîme. Donc, quand vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Yeah, le peuple d'Israël, c'est depuis haut. Ils ont commencé à faire ça depuis. Depuis des milliers d'années, ils ont commencé. Pourquoi? Maintenant, ils sont devenus riches. Donc, lorsque tu commences à payer la dîme, il ne faut pas attendre. Demain, c'est comme les choses vont changer. Yeah, c'est possible. Mais si ça ne change pas demain, il faut avoir la patience. Vous comprenez ce que je dis? Vous aimez la parole de Dieu? Yeah, c'est la parole de Dieu. Il faut être patient. Il faut être patient. Il ne faut pas te précipiter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Proverbe 28, verset 23. Proverbe 28. Alléluia, je suis béni. Et 53. L'heure est finie. Ok. 53. Le temps passe très vite. Proverbe 28, verset 23. Celui qui répond. Ok. Proverbe 28, verset 23. Non, je ne pense pas que c'est ce verset. Proverbe 28, verset 23, c'est quoi? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Celui qui répond, les autres trouvent ensuite plus de faveur. Non, non, non, c'est pas ce verset que je cherche. Il y a un pro, c'est 23, 28, peut-être 23, 28. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Non, non, non, non. Il y a un verset qui dit, ceux qui se hâtent pour retrouver la richesse deviennent pauvres. Alléluia. La richesse ne vient pas dans un jour. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui font, vous connaissez les gens qu'on appelle Sakawa. Pour vite trouver de l'argent. Tu veux tuer quelqu'un pour trouver de la richesse. Tu as, la Bible dit que, en anglais, dit que tu as, you have an evil eye. Tu as un yeux mauvais. Alléluia. Lorsque tu te précipites pour trouver de l'argent, tu peux tuer même. Tu peux voler. Tu peux voler. C'est pourquoi il y a beaucoup de corruption dans les gouvernements. Parce qu'ils savent qu'ils ont un mandat de 4 ans, 5 ans. Donc après ça, ils peuvent partir. Donc ils sont en train de amasser tout. Est-ce que vous comprenez? La richesse ne vient pas dans un jour, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque tu vois les richards, ceux qui sont riches, les millionnaires, milliardaires, il faut leur demander quand est-ce qu'ils ont commencé. Tu vas voir que ce n'est pas dans un jour. Ce n'est pas une année. Ce n'est pas 2 ans. Alléluia. Donc, si tu n'es pas patient, la dîme ne va pas marcher pour toi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous êtes ici. La dîme ne marche pas pour certaines personnes parce qu'ils font des confessions négatives. Pourquoi tu annules les bénédictions de Dieu par ta confession négative? Tu annules. Tu annules. Tu dois confesser positivement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Certains ont des mauvais désirs. Tu perds la dîme pour de mauvais désirs. Pour des mauvais désirs. Tu as de la reine. Tu as de mauvais désirs. Tu n'as pas une bonne. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas. Tu n'as pas de bons désirs pour Dieu, pour honorer Dieu. Tu as d'autres désirs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'aller très trop vite. Jacques chapitre 4, verset 3. OK. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but. Lorsque tu demandes mal, tu paies mal. Tu paies la dîme, pas de mauvaise passion, bien désir, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Certains paient la dîme. La dîme ne marche pas pour certains parce que ces personnes vivent dans le péché. Parce que toutes ces choses, on doit mélanger avec beaucoup de choses. La dîme. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Les gens vivent dans le péché. Dans le péché. Parfois, les gens viennent à l'église, ont péché, puis viennent à l'église, donnent l'argent. Ils se sentent très bien parce qu'ils ont donné une offrande pour annuler le péché. Vous dites au Seigneur, ok, je donne, c'est fini, Seigneur, bénis-moi parce que j'ai donné. Non, ça ne marche pas ainsi. Le Seigneur te connaît. Ce que tu fais dans le secret. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance est quoi? Vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, c'est la dîme que tu amènes. Mais tu n'obéis pas à Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu fais qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais tu veux amener la dîme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et puis la dernière chose. OK. OK, on va lire ce verset. Proverbe 28, verset 13. Qui dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsque tu caches tes péchés, tu ne vas pas prospérer. Alléluia. Tu ne vas pas prospérer. Donc tu caches le péché, tu viens payer là. Tu caches le péché, tu viens donner. Tu caches le péché, tu ne renonces pas. Tu ne te répands pas. Et puis tu es là, tu paies dans la dîme. Tu ne seras pas béni. Alléluia. La dîme ne va pas marcher pour toi. Et puis la dernière raison. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Dernière raison que je vais vous donner aujourd'hui. La dîme ne marche pas pour certaines personnes à cause de quoi? Parce qu'ils ne croient pas hein, ils ne croient pas en des choses mystérieuses. Yeah. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas que les écluses seront ouvertes. Où sont les écluses? Tu te poses la question. Tu demandes Dieu, où sont les écluses des cieux? Hein? Tu ne crois pas aux choses surnaturelles. On dit surnaturel, non? Yeah. Tu ne crois pas aux choses surnaturelles. On dit, Père, il a dit, oh, je vais ouvrir les écluses des cieux et je vais vous verser une bénédiction et, tu peux pas, et je vais menacer celui qui dévore. Tu dis, ah, ça c'est quoi? Tu te poses l'action, ça c'est quoi? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est quoi? Quoi les écluses des cieux? Yeah. Yeah, tu ne crois pas que les écluses des cieux seront ouvertes. Alléluia. Pourquoi la salle est calme comme ça? Vous êtes là, vous écoutez. Yeah. Alléluia. Yeah. Il y a un jour, l'évêque était à Londres. Et durant le culte, c'était une convention, elle a fini, et puis il est en train de prendre les offrandes. Alléluia. Et puis, beaucoup de personnes venaient, on dit, ok, venez donner 10 pesos, 10 pounds. Et puis les gens venaient donner, mettre les offrandes dans le sac. Alléluia. Et puis, il y avait une dame qui est venue mettre son offrande dans le sac, et puis partait, et puis l'évêque l'appelait. Et puis il a prié pour elle. Est-ce que vous comprenez? Après le culte, il y avait une dame qui était dans la salle qui a dit que avant que l'évêque n'appelle la femme qui est venue déposer l'offrande dans le sac, il y avait un ange qui était à côté de l'évêque qui a parlé dans l'oreille de l'évêque. L'évêque a dit que non, il n'a rien su. L'évêque n'a rien su. Mais la femme, les yeux sont ouverts et puis il a vu un ange à côté de l'évêque. Il a dit, et c'est tout juste après ça, l'évêque a appelé la femme. Et prier pour la femme. Yeah? C'est pas tout. Le lendemain, il y avait un autre gars qui appelait le pasteur. Pour lui dire que, ah, tu te rappelles, hier, lorsque on prenait l'offrande, et puis l'évêque a appelé la femme pour prier pour la femme. Il a dit aussi la même chose que lui aussi. Il a vu un ange à côté de l'évêque lorsqu'il prenait l'offrande. Et puis cette femme, lorsque la femme a mis l'offrande dans le sac et puis partait, il y avait un ange à côté de l'évêque. L'évêque lui a dit, oh, moi, je n'ai rien su. Je ne savais pas qu'il y avait un ange à côté de moi. Mais les yeux des gens sont ouverts. Ils ont vu au-delà, derrière la scène, il y a un monde spirituel. Lorsqu'on dit les écluses des cieux, ce n'est pas les écluses que nous regardons, non. Et je te dis, les choses qui se passent physiquement, ce sont déjà décidées dans le monde spirituel. Donc ce matin, je vais t'encourager à croire aux choses spirituelles, aux choses mystérieuses, les écluses des cieux. Waouh! Est-ce que c'est possible que lorsque tu donnes ta dîme, tu mets l'offrande, il y a un ange qui apparaît et te donne quelque chose? Vendredi, lorsqu'on prêchait, lorsqu'on priait après, on voulait partager la grâce et j'ai dit, oh, levez les mains. Et quelque chose m'a dit de prier. Parce que je voulais dire, oh, baissez les mains. Mais quelque chose a dit, priez pour les gens. J'ai dit, waouh, il y a des anges qui sont là pour te donner quelque chose. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit lever les mains, il y a des choses qui se passent. Yeah. Un jour, l'évêque a fait une convention à Kualigono. Et puis, il dit, oh, recevez votre bénédiction, recevez votre mariage, recevez votre richesse, recevez ce que vous cherchez, reçois ton miracle. Yeah. Et puis, les gens levaient les mains, d'autres ne levaient pas les mains. Les gens sont là, regardez comme ça. Le lendemain, il y avait une dame qui était derrière, au fond de la salle. Elle a dit que ses yeux étaient ouverts. Et lorsque l'évêque dit « recevez », il y avait un grand ange qui était à côté de l'évêque. Est-ce que vous croyez au monde spirituel? Il y avait un ange, un grand ange qui était à côté de l'évêque. Et puis lorsqu'il dit « recevez », le grand ange l'a donné des cadeaux au petit ange et distribué aux gens qui levaient les mains. Donc, lorsqu'on vient à l'église, on dit, fais quelque chose, et puis tu es là. Quoi, pas aux choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Yeah! Yeah! Et puis, la dame a dit parce que son mari était parmi les gens qui avaient croisé leur main. Donc, il lui a dit que c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, lorsqu'il était à l'église, il sautait. Son mari sautait. Alléluia. Yeah! Il faut croire aux choses spirituelles. Le juste vivra par la foi. Pas par la jolie calculée. Oh, ah, le pasteur, qu'est-ce que tu dis? Ami, toi, tu es en train de blaguer. Tu es naturel. Tu es trop logique. Tu es trop calculateur, calculatrice. Tu es calculatrice. Yeah! Calcule, fais des choses. Tu ne vas jamais être béni. Jamais être béni. Et ce matin, je sais qu'il y a des anges ici. Des anges ici pour te bénir. Au nom de Jésus. C'est la foi. Si tu ne crois pas, ne reçois pas. Ne reçois pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. C'est pourquoi tu vas avoir un docteur qui laisse sa profession pour servir Dieu. Yeah. Les choses qui se passent dans le monde spirituel. Oh, vous ne savez pas. Il y a des animaux, des serpents, des chevaux, des crapauds, des insectes, des lions. Beaucoup de choses qui se passent. Yeah. Et si tu vaux ou bien pas, ça influence nos vies sur la terre. Ça t'influence. Alléluia. Donc il y a le monde spirituel qui est mauvais et puis ce qui est bon. Dieu, le côté de Dieu. Le mauvais agit lorsqu'on ne le demande pas de venir. Le malin agit. Il vient te détruire sans que tu demandes, viens me détruire. Yeah. Mais Dieu, c'est nous qui l'invitons. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la prière est très très importante. Tu demandes Dieu dans le monde, viens agir sur ma vie, viens me protéger, viens me bénir. Sans le Seigneur, oh, mon frère, ma soeur, levez-vous s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas laisser quelqu'un te décourager de payer la dîme et l'offrande. La personne ne connaît rien. Mais il critique. Critique. Lorsque tu vas à la maison, tu dis, oh, on a prêché sur la dîme. Tu vas voir que les gens vont commencer à te parler mal. À te décourager. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui te prévient. Avant de ne pas croire au paiement de la dîme, achète le livre et puis lis les versets. Tu vas voir tout aspect. Tu vas voir toi-même. Et lorsque tu finis de lire et tu ne crois pas, c'est au moins, j'accepte. Je vais accepter après avoir lu tous les versets, tout ce qui concerne la dîme ici. Et tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu ne connais pas, c'est là où j'ai un problème. Tu ne sais pas, mais tu refuses. Bien, tu ne sais même pas, mais tu critiques, tu parles, tu parles. C'est un problème. Mais lorsque tu connais et tu dis, oh non, je connais, mais s'il vous plaît, je ne paie pas. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux lever la main et prier ce matin? Prier ce matin. Dis merci à Dieu. Dis merci. Si tu te retrouves quelque part dans le message, prie par rapport à l'endroit ou à l'aspect de la parole de Dieu qui te parle. Prie ce matin. Prie ce matin. Peut-être que tu es dans le péché. Peut-être que tu ne crois même pas. Prie que le Seigneur te donne un cœur pour comprendre, pour recevoir cette révélation de mystère, le mystère de la dîme, pour comprendre au nom de Jésus. Oh Seigneur, peut-être que tu ne comprends pas les choses spirituelles. On parle, oh, le pasteur parle de ça, tout ça, tu ne comprends pas. Prie que le Seigneur touche ton cœur pour pouvoir comprendre les choses mystérieuses au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci ce matin pour ta parole. Oh Seigneur, je sais, tu as dit que ta parole, tu envoies ta parole et ta parole accomplit un dessein. Ce matin, ta parole a accompli un dessein dans la vie de chaque personne ici. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je te remercie pour ce dessein au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce message de prospérité, de richesse. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de s'asseoir, on va prendre la dîme, l'offrande et Galates 6. Mais avant de s'asseoir, je vais prier pour toi. Peut-être que tout ce que je dis là, tu ne comprends rien. Alléluia. Parce que tu es loin de Dieu. Mais la parole t'a touché. Tu veux commencer. Tu veux commencer une marche, une relation avec Dieu. Tu veux dire, Seigneur, je crois en toi, je veux croire, je veux te suivre, je veux être sauvé, je veux pas aller en enfer. Si tu veux commencer cette relation avec Dieu ce matin, ferme les yeux, tout le monde, et toi, lève la main. Tout le monde ferme les yeux. Et toi, si tu veux, lève la... Oh, je vois le Graal, le frère derrière. Merci. Merci, merci, nos frères. Merci. Je vois très au fond, je vois les mains. Merci. Merci. Levez les mains. Toi, si tu veux lever les mains, je vois toutes les mains. Merci devant. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Merci. Merci. Je vois. Je vois. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Levez les mains pour le Seigneur. Je vois tous. Je vois tous. Je vois tout. Le Seigneur veut vous sauver. Veut vous aider dans cette vie, au nom de Jésus. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant, on va prier ensemble. Je vois toutes les mains. Venez, viens, viens, viens, mon frère, viens, viens, viens, viens. Derrière, ceux qui étaient derrière, le frère qui a levé la main derrière, viens. C'est toi qui as levé la main le premier, viens, viens, viens, viens, viens. Il y a une sœur derrière, il y a une sœur derrière, il y a une sœur derrière. Il y a une sœur derrière. Est-ce que la sœur est venue? Il y a une sœur derrière qui a levé la main. Il y a une sœur derrière qui a levé la main. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est la joie. La joie au ciel. Ceux qui sont devant moi, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va faire cette prière et vous allez répéter après moi. Mais faites cette prière, votre propre prière. Ce matin. Priez avec. Priez avec ton cœur ce matin. Et le Seigneur va te délivrer, va te sauver. Au nom de Jésus. Et tout le monde, fermez les yeux et répétez à moi. Dis, Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je te remercie que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Et ce matin, je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de te servir à partir de ce moment. Seigneur, je crois que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Je crois qu'il a versé son sang pour moi. Et je prie ce matin qu'il me pardonne. Seigneur, pardonne tous mes péchés et lave-moi avec le sang. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je prie pour ta grâce. Je prie pour que ta grâce me fortifie pour pouvoir te servir au nom de Jésus. Pour dans ce monde, nous vivons dans ce monde. C'est difficile de servir le Seigneur. Mais Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, par ton esprit, par la puissance de ton esprit, Seigneur, je vais te servir. Je vais te servir à partir d'aujourd'hui. Je ne vais plus servir le monde. Je ne vais plus servir Satan. Je vais te servir le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes ?